découvert en 2007 dans le nuage de Magellan les sursauts radio rapides ou FRB pour Fast Radio Burst titillent la curiosité de la communauté astrophysique depuis une bonne quinzaine d'années. Il s'agit de signaux très très brefs venus de zones très très lointaines, la plupart en dehors de notre galaxie et qui parfois, pour épicer le mystère, se répètent sur quelques cycles avant de disparaître à nouveau. Plusieurs hypothèses circulaient, pulsars, trous noirs primordiaux qui s'évaporent et même signaux extraterrestres, jusqu'à cette année où l'analyse multimessager de ces FRB couplés à des rayons X et des rayons gamma ont pointé un responsable dans notre galaxie, des magnétars, des étoiles à neutrons au champ magnétique démesuré. Sursaut radio rapide, bienvenue sur Galaxy FM, c'est le programme cosmique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour donc retracer l'histoire de ces signaux mystérieux dont l'origine commence partiellement à se dévoiler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Guillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers au CEA, et Ismaël Cognard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au LPC2E à l'Université d'Orléans et responsable scientifique du radiotélescope de Nancy. Mais on commence, avant de vous retrouver, par notre résumé quotidien de l'actualité des sciences et de la recherche, avec une invitée de prestige aujourd'hui dans le Journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence donc ce journal avec la cérémonie de la remise des prix Nobel qui se tiendra sur Internet ce jeudi et donc une invitée prestigieuse dans notre journal des sciences, Natacha. Et oui, puisque le prix Nobel de chimie 2020, la française Emmanuelle Charpentier, a répondu en exclusivité aux questions du camarade Ludovic Pietenu, notre correspondant à Berlin pour Radio France. La généticienne et biochimiste est plutôt discrète dans la sphère médiatique. Elle dirige le centre de recherche Max Planck pour la science des pathogènes à Berlin et avec l'américaine Jennifer Doudna, elles ont été récompensées pour leur découverte des ciseaux moléculaires, la technique CRISPR-Cas9. Cette méthode d'édition du génome est assez récente, elle date de 2012, mais depuis, elle a complètement bouleversé la façon dont on fait de la recherche. Un duo 100% féminin qui remporte un prix Nobel, c'est une première. Emmanuelle Charpentier espère donc que cela passera un message fort aux jeunes générations de chercheuses. Je pense que ce qui est intéressant avec le fait que Jennifer Doudna et moi-même avons reçu le prix cette année, c'est que ça reflète ce qui se passe en science à l'heure actuelle. C'est peut-être un prix qui est, disons, donné 8 ans après la deuxième publication, qui est la raison pour laquelle le prix a été donné. Donc c'est assez récent, mais je pense que ça reflète ce qui se passe à l'heure actuelle. La recherche est une recherche où les collaborations sont très importantes, les coopérations entre les différents scientifiques, et le fait qu'il y a maintenant en effet des femmes qui sont chefs de laboratoire. J'espère que ça continuera. Je pense que le fait que le prix Nobel soit remis cette année à deux femmes permettra en tout cas à certaines jeunes filles de considérer la recherche. Les prix ne doivent pas être un but en soi, mais ça permet quand même de donner à des jeunes filles une image de la science qui n'est pas uniquement masculine, mais qui est aussi féminine. Quelque chose que je peux citer, c'est ma plus grande sœur qui, en fait, rentrait à l'université lorsque moi, j'avais 6-7 ans à peu près. Et le fait de voir ma sœur aller à l'université, très rapidement, je voulais aussi aller à l'université. J'avais compris que c'était très intéressant. En effet, en tant qu'adulte, on pouvait continuer à étudier, on pouvait apprendre à transmettre la connaissance, on pouvait faire de la recherche. Je trouvais que c'était très intéressant. On pouvait être à l'école toute sa vie. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi motivée, en fait, la possibilité de faire un travail intellectuel de façon libre. C'est un luxe. Et ça, je l'ai compris très rapidement. La recherche, c'est une école. C'est une école, c'est être à l'école toute sa vie aussi parce que c'est devenu en fait un métier aussi très intéressant parce que c'est multidisciplinaire. C'est une école pour soi-même, une école pour les autres, une école pour la recherche, une école pour la connaissance. Donc c'est très intéressant. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview exclusive qu'a donnée Emmanuel Charpentier à notre camarade Ludovic Piétenu à Berlin sur le site de France Culture, sur une page spéciale. On vient de vous mettre le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. La cérémonie des prix INSERM cette fois, prix INSERM 2020, s'est tenue ce matin et a récompensé avec 5 lauréats. Cinq lauréates et 3 lauréats, Natacha. Oui, voici un bel exemple d'une remise de prix paritaire. Cette année, le Grand Prix de l'INSERM, l'une des plus hautes distinctions scientifiques françaises, revient à Dominique Costagliola pour l'ensemble de sa carrière. Cette épidémiologiste est spécialiste en biostatistique et en biomathématiques. Elle a commencé à travailler sur le sida dès 1986 et depuis janvier dernier, elle a mis son expertise au service de la lutte anti-Covid, pour laquelle elle est très impliquée, notamment au sein du consortium Reacting de l'INSERM, qui coordonne la recherche sur les épidémies. Et Dominique Costagliola qui devrait être notre invité mercredi prochain pour avec Yazdan Yazdanpana pour notre émission mensuelle consacrée à la recherche sur le Covid-19. En bref, toujours, un Français a déchiffré une écriture ancienne, une découverte qui remet en cause l'origine de l'invention de l'écriture elle-même. Oui, la Mésopotamie n'aurait plus le monopole de l'invention de l'écriture. Parmi les écritures les plus anciennes au monde, il y a les fameuses tablettes d'argile, le proto-cunéiforme des Mésopotamiens, qui sont vieilles de 3300 ans avant notre ère. Selon nos confrères de Science et Avenir, un archéologue français, François Dessé, vient de déchiffrer l'élamite linéaire, une écriture phonétique utilisée en Iran il y a 4400 ans. La première étape de ce décryptage a commencé en 2018 à partir d'inscriptions sur des vases. Les résultats complets de ce travail seront publiés en 2021. Selon le chercheur, le proto-cunéiforme mésopotamien et le proto-élamite iranien sont concomitants. Ils seraient apparus en même temps. Et enfin, la Chine se lance dans un programme géant de modification météorologique. Et contrôler la pluie et le beau temps, c'est l'ambition de la Chine depuis les années 60. Le pays a déclaré augmenter les moyens de son programme de pluie artificielle sur plus de la moitié de son territoire d'ici 2025. Cette grande opération emploie déjà environ 35 000 personnes. Le but, c'est de soutenir l'agriculture avec des techniques de géo-ingénierie qui ne sont pas nouvelles. Il s'agit d'avions ou de canons pour ensemencer les nuages, c'est-à-dire projeter de l'iodure d'argent ou de l'azote liquide pour épaissir les gouttelettes d'eau des nuages afin de les faire pleuvoir. Les experts craignent déjà que l'étendue de ce programme perturbe tous les écosystèmes environnants. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Fidèle auditrice ou fidèle auditeur de La Méthode Scientifique, cela ne vous aura pas échappé. C'était peut-être l'une des informations les plus excitantes en astrophysique de ces derniers mois. Nous l'avons traité à quelques reprises dans le Journal des Sciences, dans nos vendredis actu, assez récemment. La localisation d'une émission de sursaut radio rapide dans notre propre voie lactée, en recoupant un signal avec des impulsions de rayons gamma et de rayons X. Résultat, le coupable est un magnétar, soit une étoile à neutrons avec un champ magnétique extrêmement puissant. C'est le début de la levée d'un mystère de plus de 15 ans sur la nature et sur l'origine de ces sursauts radio rapides auxquels les esprits, comme je vous le disais tout à l'heure, les plus fantasques attribuent même une origine extraterrestre. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas parce qu'un sursaut radio rapide a été identifié qu'ils ont tous été identifiés. Mais c'est tout de même un gros morceau du mystère qui s'est levé dans cette publication de Nature en date du 4 novembre, Jérôme Guillet. Oui, effectivement, c'est une découverte vraiment extrêmement excitante et qui était quelque part attendue depuis plusieurs années. Ça fait quelque temps que les théoriciens supposaient que les sursauts radio rapides pouvaient venir de magnétars. Et ça faisait quelque temps aussi que on cherchait justement du coup des sursauts radio rapides en provenance de magnétars. Et jusqu'ici, ça n'avait pas été fructueux et on commençait même à se demander pourquoi on n'observait pas. Et donc le fait d'avoir observé un sursaut radio rapide en provenance d'un magnétar, ça donne vraiment, c'est vraiment très excitant et ça montre pour la première fois de façon claire qu'un magnétar est capable de produire un sursaut radio rapide. Donc c'est vraiment une confirmation très très importante. Mmh. Ismaël Cognard aussi sur cette publication et cette levée partielle du mystère. Oui, effectivement, c'était voilà, enfin attendu. Je dirais que ce qui était un petit peu... Ah, je crois qu'on a un petit problème de liaison avec Ismaël Cognard. Est-ce que vous m'entendez ? Non. Étonnant, c'est que ah. Je vous entends. Oui, alors on a juste un petit problème de liaison. Moi. Voilà, c'est bon. Alors, donc, je vous laisse reprendre, mais si la liaison est mauvaise, peut-être qu'on vous rappellera sur une autre ligne. Allez-y, je vous en prie. Oui. Ce que je trouve aussi nouveau d'un point de vue d'observateur, c'est que jusqu'à présent, tous les FRB étaient extragalactiques. C'était des choses extrêmement lointaines. Et là, pour la première fois, il y a un signal sursaut radio rapide de notre galaxie, beaucoup plus proche, donc beaucoup plus intense aussi. C'était intéressant parce que je disais alors de manière un peu, en extrapolant un petit peu, mais dans l'introduction, je parlais d'astronomie multimessager, on en a parlé ici même, c'est pas exactement de l'astronomie multimessager, c'est de l'astronomie multi-longueur d'onde, c'est aussi un peu les conséquences de ces nouvelles formes d'observation croisées qui nous permettent d'avoir des renseignements bien plus complets sur des choses qui étaient encore un peu obscures jusqu'à présent, Ismaël Cognard. Oui, je me suis amusé à reprendre les circulaires que les astronomes aiment bien émettre à chaque fois qu'ils ont une découverte importante comme ça. Et j'ai été bluffé par la succession de télégrammes qu'il y a eu le 28, le 29, le 30 avril. En quelques heures, on voit les détections qui arrivent d'abord du satellite Swift, et puis après d'un autre satellite qui s'appelle NICER, et puis en quelques heures, c'est le radiotélescope au Canada Chime qui fait une détection, et puis encore quelques heures après, c'est donc ces antennes qui sont dans l'Ouest américain qui font la détection. Donc on voit bien que les échanges modernes permettent très rapidement de prévenir la communauté qu'on a une détection. Et aussitôt, les autres télescopes qui ont la possibilité, l'agilité pour ça, se mettent sur la zone du ciel en question et de temps en temps trouvent quelque chose. On va vous mettre le lien sur notre émission complète que nous avions consacrée justement à l'astronomie multimessager. Alors on parle de multimessager quand en général il y a des ondes gravitationnelles, en tout cas un tout autre signal en plus. Là c'est plutôt multilongueur d'onde, mais on va pas revenir sur ce débat-là. Ce qui est intéressant aussi, peut-être Ismaël Cognard a signalé, moi ça m'a fait sourire, c'est que ce réseau STER 2 en Californie, qui est le deuxième à avoir capté les rayons de ce magnétar, on parle d'un télescope très low-tech dont chaque station se composerait d'un tuyau de métal relié à des moules à gâteaux. C'est vrai ou c'est une légende, ça? Je pense que nous avons perdu Ismaël Cognard. Alors je vais me retrouver vers Jérôme Guillet. Jérôme Guillet, sur la nature de ce télescope STER 2. Alors, je pense que Ismaël Cognard sera mieux placé pour répondre que moi là-dessus. Mais effectivement, j'ai entendu la même chose que vous, mais je peux pas vous donner plus de précisions. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va essayer de rejoindre Ismaël Cognard. Ah, Ismaël Cognard, vous êtes là à nouveau, apparemment. Oui, on vous entend. Oui, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Écoutez, c'est des petits problèmes de connexion. Peu importe, je vous en prie, allez-y. Ce petit, en fait, je dis petit télescope parce qu'en fait, ce sont juste des, c'est vraiment des expériences low cost, quoi, qui coûtent pas cher et qu'on met en place parce qu'il y a une question à répondre, une question scientifique à répondre importante et si possible rapidement. Donc là, c'est juste des petites antennes qui font, je crois que c'est 6 mètres de diamètre, qu'on a pointé vers le zénith et que l'on utilise en fait même pas. Ça sert juste d'écran pour cacher l'environnement proche. Et au milieu de ça, on met une sorte d'antenne GPS un peu améliorée. Parce que les fréquences utilisées par les GPS sont les fréquences radio auxquelles on détecte habituellement les fast radio bursts, les sursauts radio rapides. Donc ce sont juste des détecteurs type GPS que l'on a installés au milieu du désert, en Californie, dans l'Utah et je ne sais plus où encore. En Californie, dans l'Utah, c'est ça. Et en fait, la première détection vient du télescope canadien, où là, il y a une idée déjà un peu précise que ça a l'air de venir du côté du centre galactique, mais du magnétar 1935, c'est son nom, SGRJ 1935 plus 2154. Mm-hmm. Et puis STAR 2, lui, va faire un positionnement plus précis grâce au délai qu'il observe entre les réceptions aux différentes antennes. Et puis lui, il est aussi capable de mettre une intensité radio qui le place dans le peloton de queue en termes d'intensité de tous les sursauts radio rapides. Hein, si vous voulez, il est vraiment très fort. Et si on le met très loin comme les autres, pas. Bah, il est plutôt en queue-tête, mais ça colle. Il a la bonne dynamique, la bonne intensité. Mmh. Et c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on en parlait dans cette émission consacrée à l'astronomie multimessager, qui peut solliciter d'ailleurs des équipements ou des appareils qui peuvent être finalement des appareils du grand public, même si d'un seul coup sur certains signaux n'importe qui, ou en tout cas quelqu'un avec du matériel très simple peut même participer à cette astronomie multimessager ou multilongueur d'onde. J'ai lu Ismaël Cognard que ce Fast Radio Burst, donc qui a eu lieu en fait le 28 avril, hein, même si la publication de novembre, était tellement puissant qu'il aurait pu être détecté par l'antenne 4G d'un téléphone. Ah, ça je sais pas, mais peut-être. Écoutez, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris dès le début quand on a annoncé. Alors, de façon un petit peu technique, hein, l'intensité radio d'un pulsar, on appelle ça une fluence. C'est une sorte de multiplication entre l'intensité radio. Alors en radio, les intensités, c'est pas des lux ou des lumens comme on a sur les étiquettes de lampes qu'on achète maintenant. Ce sont des Jansky. Et puis on multiplie par la durée de l'impulsion, donc une espèce de surface, enfin un produit. Mmh. Et là, on était à des millions de Jansky millisecondes. Alors que les FRB que l'on obtient habituellement sur les radiotélescopes de par le monde, c'est un million de fois moins typiquement, ou 100 000 fois moins. Donc il était vraiment très fort. Et d'ailleurs, s'il avait été réceptionné par une antenne, je dirais, normale, avec un grand collecteur, avec un récepteur refroidi à 15 degrés K, il aurait probablement saturé le télescope. Alors un téléphone, je ne sais pas. Peut-être en le tenant bien, je ne sais pas. Écoutez, c'est ce que j'avais lu, pourquoi pas. En tout cas, je trouvais l'idée amusante justement sur le fait que, et ça donne quelque chose, et ça donne une idée en tout cas de l'ampleur de signal. Mais on va revenir un peu en arrière, on va vous raconter un peu l'histoire de la découverte de ces FRB pour Fast Radio Burst, les sursauts radio rapides. Vous allez voir que c'est une histoire passionnante, très récente, et qui peut donner un rôle surprenant dans l'astronomie à un four à micro-ondes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17, nous parlons donc des sursauts radio rapides en compagnie de Jérôme Guillet et Ismaël Cognard. On va remonter de quelques années la frise chronologique jusqu'en 2007 et la première identification formelle d'un sursaut radio rapide qu'on appelait également sursaut Lorimer. Mais avant ça, peut-être Jérôme Guillet, qu'on peut redire et reposer les bases un peu de ce que c'est sous forme d'aide-mémoire. On parle de sursaut radio, on va parler peut-être de rayon gamma, de rayon X. Vous pouvez nous réexpliquer un peu ce que c'est la différence entre toutes ces longueurs d'onde? Oui, tout à fait. Donc, le point commun entre toutes ces longueurs d'onde, c'est que c'est des ondes électromagnétiques. C'est le cas aussi pour la lumière. Et donc, c'est des ondes qui sont composées d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent conjointement. Et ce qui différencie ces différents types d'ondes, c'est la fréquence de ces ondes, et qui est lié aussi à leur longueur d'onde, donc on peut parler de l'un ou l'autre. Et donc les ondes radio sont des ondes qui sont à relativement basse fréquence, en tout cas comparées à la lumière visible ou aux rayons X et gamma, qui sont à des fréquences de plus en plus hautes. Et au fur et à mesure que la fréquence augmente, une caractéristique également, c'est que le photon, qui est la particule qui transmet l'énergie, est de plus en plus haute énergie. Mmh. On va vous remettre, hein, comme on le fait toujours là aussi, en guise d'aide-mémoire sur notre fil Twitter @lamethodefc, un petit pense-bête qui vous permet de comprendre quelles sont les longueurs d'onde, quelle est leur fréquence, quelle est leur puissance, et où est-ce qu'on peut placer le visible dans tout ça. Ce qui est intéressant, et la question que je me posais en préparant cette émission, Ismaël Cognard, c'est que on va l'entendre, hein, ces FRB sont des sursauts radio extrêmement puissants, comme vous venez d'ailleurs de le signaler. S'ils sont si puissants, comment se fait-il qu'on ne les ait pas détectés plus tôt? Alors là, il faut peut-être faire un petit historique, quoi. Mm-hmm. Et se rappeler que les Fast Radio Bursts ont été découverts en 1967 par la communauté des pulsaristes, c'est-à-dire la communauté des observateurs de pulsars radio. Mm-hmm. Hein, les pulsars radio, ce sont en fait des étoiles à neutrons, des restes de supernovas qui ont explosé. Et puis ça donne une étoile à neutrons. Si elle est dotée d'un fort champ magnétique, ça fait ce qu'on appelle un pulsar. Et puis si le champ magnétique, comme vous l'avez dit, est vraiment extrême, ça va donner ça va faire ce qu'on appelle un magnétar. Mais là, le champ magnétique, il va entraîner deux faisceaux radio et on va détecter l'objet donc sous forme d'impulsion régulière. Donc c'est en 1967 hein, que Jocelyn Bell a découvert le premier de ces objets là. Accidentellement, en fait, d'ailleurs. Pardon ? Accidentellement, la première découverte. Oui, oui. Effectivement, elle était censée étudier autre chose, mais en tout cas, elle avait des petits stylos qui se déplaçaient sur une feuille de papier qui déroulait. Et puis, pour détecter le pulsar, elle a juste remarqué que le petit stylo, régulièrement, il bougeait de place et il y avait donc un signal répétitif. Ça, c'est la découverte. On est resté sur ce genre de détection quelques années. Et en fait, c'est Joe Taylor qui, à Recibo, a le premier, de façon un peu industrielle, utilisé des méthodes plus modernes. Il a utilisé la transmise Fourier. C'est-à-dire qu'il a pris des signaux numérisés. C'était donc plus maintenant écrit sur le papier, mais c'était vraiment des données dans un fichier, dans un ordinateur. Il a appliqué la transmise Fourier, c'est une opération mathématique qui permet de rechercher des signaux périodiques. Donc ça lui a permis, par exemple, de trouver le pulsar double, hein, 1913-16, celui qui lui a emmené le prix Nobel en 1990 pour la preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. Mais ça a aussi surtout permis de trouver beaucoup de pulsars faibles, des pulsars tellement faibles qu'on n'était même plus capable de voir les impulsions une par une. Hein. C'était complètement impossible. C'est juste parce qu'on avait des opérations mathématiques capables de les superposer qu'on les voyait. Quoi. Juste une précision, Ismaël Cognard, quand vous parlez de ces sursauts radio, on ne parle pas encore de sursauts radio rapides. Là, en 67, les premiers sursauts qui sont détectés, ce sont des sursauts gamma, donc c'est-à-dire des sursauts radio avec des longueurs d'onde beaucoup plus élevées que celles dont on va parler aujourd'hui, en fait. Ouais, je suis en train de parler des impulsions régulières qui viennent des pulsars. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que en 2005, la façon de chercher des pulsars a un petit peu changé. Les moyens de calcul se sont améliorés et ont permis à nouveau de chercher des impulsions une par une dans les données. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a cherché les pulsars par la transmise Fourier, la force brute, et ça a bien marché. Et puis, les moyens se sont améliorés. Et là, on a commencé à trouver des impulsions une par une. Et puis, il y a certaines des impulsions qu'on a trouvées toutes seules. Il n'y en avait pas d'autres, ni avant ni après. Et c'est comme ça qu'on les a appelées sursauts radio rapides. Ça, c'est 2007, le FRB. Le fameux sursaut Lorimer. Jérôme Guillet, peut-être un mot là-dessus sur effectivement la raison. On a détecté donc tout type de sursauts radio, des sursauts gamma, des sursauts de rayons X, mais qui sont plus faciles à détecter d'une certaine manière parce que ce sont des rayons beaucoup plus énergétiques en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer comme ça? Alors effectivement, les sursauts gamma, c'est quelque chose qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Les premiers, c'était dans les années 60. Et années 60-70, c'était vraiment la découverte de ces événements. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'énergie en fait qui est mise dans ces rayonnements-là. Et donc probablement que ça a aidé à pouvoir les découvrir plus tôt, effectivement. Alors du coup, ce qui nous amène à nos sursauts radio rapides, les FRB, donc qui sont, on peut le dire, des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, c'est cela, Ismaël Cognard, hein? Oui. Beaucoup plus. Voilà. Et donc là aussi, c'est une découverte un peu fortuite. On les appelait sursauts Lorimer parce que, eh bien, l'équipe Lorimer et McLaughlin sont les deux premiers à les avoir identifiés dans les nuages de Magellan, mais aussi en demandant, je crois, à un de ses étudiants hein, qui était à l'université de Virginie Occidentale, d'analyser des anciennes données issues de l'observation du nuage de Magellan. Qu'est-ce qu'il a trouvé, ce fameux David Narkevich, qui a identifier ce premier sursaut qu'on a d'ailleurs appelé le sursaut Lorimer? Oui, c'est ça. Il a repris des vieilles données qui provenaient du radiotélescope de Parkes en Australie, en les traitant de façon complètement différente pour chercher des impulsions toutes seules. Et il a trouvé une impulsion, alors avec une caractéristique particulière dont on reparlera peut-être, qui s'appelle la dispersion. Cette impulsion était dispersée avec un retard qui dépendait de la fréquence. Et il a été appelé face de bord. Et pendant des années, il a été difficile de convaincre la communauté que c'était de vrais signaux. On a un passage un peu délicat par des fours à micro-ondes. Allez-y, parce que ça fait beaucoup rire mon équipe, parce que c'est l'une des anecdotes sur laquelle que je raconte toujours. C'est ça, c'est le radiotélescope de Parkes qui a trouvé des sursauts radio avec des caractéristiques qui correspondaient à peu près au burst de Lorimer, au premier, mais pas tout à fait, quoi. Et il a fallu des années pour des tests, hein, pour réaliser que ces signaux-là, ils étaient en fait émis au moment où l'opérateur, un peu pressé de manger, ouvrait la porte du micro-ondes avant que le cycle soit terminé. Donc pendant une petite fraction de quelques millisecondes, il y avait du signal qui s'échappait à peu près à la bonne fréquence, parce que pour réchauffer des aliments dans un four à micro-ondes, on est autour de 2 GHz. Donc, un peu voilà, au-dessus, mais à peu près dans la même gamme, voilà. Oui. Et donc ça, c'est vrai que ça a apporté beaucoup de discrédit sur ce fameux sursaut Lorimer. Je crois même que Mara McLaughlin, hein, qui était la co-autrice de l'étude, qui travaillait avec lui, elle-même a fini par douter de ce qu'ils avaient trouvé dans ces fameux relevés du nuage de Magellan. Oui, c'est possible. Ça, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Mais petit à petit, on va finir par retrouver, à partir toujours de l'observatoire de Parkes, en 2012, on retrouve et on réenregistre ce type de FRB, en tout cas le même type de signal, et qui cette fois n'était pas produit ni par un micro-ondes ni par un autre instrument électroménager à proximité, Ismaël Cognard. Voilà, c'est ça. Et puis après, on a eu des détections dans d'autres télescopes. On a eu une détection à Arecibo. Mm-hmm. Donc là, quand vous avez deux détections de signaux qui se ressemblent à deux télescopes, l'affaire est pliée, on y croit. Feu Arecibo. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on consacrera là aussi une émission très prochainement à ce télescope qui vient malheureusement de s'effondrer. Comment se fait-il que je vais me retourner vers Jérôme Guillet. Comment se fait-il que quand on commence à détecter, parce que d'un seul coup des fast radio bursts, on va en détecter de plus en plus, on va même en détecter des plus bizarres, mais ça on va y venir dans un instant. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas l'origine de ces signaux? Pourquoi c'est difficile d'identifier l'origine de ces FRB? Eh ben en fait, on a le problème, c'est qu'on a au départ extrêmement peu d'informations sur pour ces signaux. On voit juste une onde radio qui arrive pendant qui dure une milliseconde ou quelques millisecondes et puis ça s'arrête et c'est toute l'information qu'on a. Alors on peut analyser cette onde radio pour en connaître la fréquence, etc. On peut tirer un certain nombre d'informations, mais ça reste assez limité et du coup quand on a peu d'informations, c'est difficile, ça reste très mystérieux. En fait, c'est intéressant, il y a une analogie qui peut être faite avec les sursauts gamma dont on parlait tout à l'heure, parce que dans ce cas-là, c'était des sursauts, donc de rayons gamma qui arrivaient, qui duraient pareil entre une seconde et peut-être une centaine de secondes selon les types de sursauts gamma. Et c'est toute l'information qu'on avait, et pendant très longtemps, on a mis beaucoup de temps à comprendre d'où ils venaient, parce que déjà la première question à laquelle il faut répondre, c'est on a déjà parlé, est-ce que c'est terrestre ou est-ce que c'est vraiment astrophysique? Une fois qu'on s'est convaincu que c'est astrophysique, il s'agit de comprendre d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de très loin? Est-ce qu'ils viennent de beaucoup plus proche? On n'a pas accès à la distance au départ, et donc on a mis un certain temps avant de comprendre qu'ils venaient en fait de pour la plupart de très loin, donc qu'ils sont extragalactiques, qu'ils viennent en dehors de la galaxie. Donc on a un certain nombre d'indications maintenant. C'est très clair qu'ils viennent de très loin, mais c'est en accumulant, si vous voulez, des indices qu'on arrive enfin à comprendre cela. Et après, pour une fois qu'on a la distance, on a accès à beaucoup plus d'informations physiques. Déjà, on peut savoir quelle quantité d'énergie a été dégagée, puisque ça va dépendre de beaucoup de la distance. Plus on est loin, plus l'énergie est diluée avant de nous arriver. Bien sûr. On se rend compte très très vite, hein, Jérôme Guillet, que ce sont des événements extrêmement énergétiques. Ce sont des ondes radio à très longue fréquence, mais avec une énergie vraiment très importante pour qu'elles puissent nous arriver. Parce que, en revanche, si on ne sait pas exactement ce qui les produit, on sait qu'elles viennent de très très loin. Comment est-ce qu'on peut connaître la distance de leur provenance sans en connaître exactement l'origine d'ailleurs? Alors, donc effectivement, pour rebondir sur l'énergie, l'énergie est assez gigantesque. Je me suis amusé à calculer les sursauts radio les plus intenses vont émettre autant d'énergie en une milliseconde que le Soleil en 10 ans. Donc ça vous donne une idée que c'est vraiment énormément d'énergie. Et donc pour connaître la distance, en fait, il y a plusieurs indices. Il y a un indice qui nous donne pas directement la distance, mais qui nous indique qu'ils ne sont pas dans la galaxie, c'est le fait qu'ils viennent d'un peu partout dans le ciel, alors que si ça venait de la galaxie, on s'attendrait à ce que ça vienne plutôt du disque galactique ou du centre de la galaxie. Un autre indice dont Ismaël vous parlera probablement mieux que moi, il a commencé déjà à le faire, c'est sur la mesure de dispersion, le fait que les fréquences différentes arrivent à des moments légèrement différents, et ça permet d'avoir accès à la matière qui se trouve en fait entre nous et la source d'émission. On en reparlera dans quelques minutes, oui, tout à fait. Et enfin, finalement, quelque part, l'indice ultime, c'est quand on arrive vraiment à localiser un sursaut radio rapide et cette fois, on peut savoir de quelle galaxie il vient. Et là, on peut cette fois mesurer la distance de la galaxie par les moyens habituels qu'on a de mesurer la distance d'une galaxie. Donc, les caractéristiques de ces FRB qu'on repère et qu'on identifie, Ismaël Cognard, ce sont donc qu'ils viennent tous de très très loin, et à partir d'un moment, encore une fois, le mystère s'épaissit parce qu'on va en détecter qui en plus se répètent. C'est cela, oui. On sait qu'ils viennent loin parce qu'il y a beaucoup de dispersion. La dispersion, on la voit même sur certains objets de notre galaxie, mais elle est relativement faible, alors que là on en voit beaucoup parce que les objets sont très lointains. Et leur étude, elle est effectivement facilitée parce qu'il y a une sous-classe, enfin pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est vraiment une sous-classe ou c'est parce qu'on a parfois plus de chance, mais il y a des objets dont on reçoit plusieurs sursauts. Et vous avez même il y en a une bonne dizaine de sources comme ça, et vous avez certaines de ces sources-là pour lesquelles on a même une petite indication de périodicité, ou en tout cas une succession de phases actives et de phases inactives. On a une source qui a l'air d'avoir un cycle de 16 jours, 2 semaines à peu près, et puis pendant, je crois que c'est 5 jours, donc les 5 jours ouvrés de la première semaine, eh ben on va recevoir des impulsions de temps en temps, de façon complètement aléatoire, mais que pendant ces 5 jours-là. Et le reste, il n'y a rien. Il y a une seconde source, c'est plutôt 5-6 mois, la période de répétition. Allez-y, je vous en prie, oui. Non, c'était... Donc on va voir qu'il reste évidemment beaucoup de points d'interrogation. On a maintenant identifié une source qui est ce magnétar. On va vous expliquer évidemment ce que c'est que ce magnétar et pourquoi est-ce qu'il émet ces sursauts radio rapides. Pour conclure cette première partie, Ismaël Cognard, aujourd'hui, combien de FRB on a identifié approximativement? Bonne question. 200, non? Je dirais entre... Quelque chose comme ça. De l'ordre de 200, une bonne dizaine qui sont répéteurs, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors, 200 dans un catalogue qui se retrouve qu'on trouve sur le net. Après, vous avez ce télescope canadien Chime qui, lui, en découvre à l'appel. Et comme l'instrument est un petit peu particulier, ils mettent du temps à sortir les données, et on dit qu'ils en ont typiquement un millier sous le coude. Donc voilà, on en a entre quelques centaines et un millier. Voilà pour, en tout cas, l'histoire de la détection de ces FRB. Maintenant, on va commencer à examiner les différentes hypothèses sur leur origine. Une vient d'être confirmée, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et vous allez voir que ces FRB, maintenant qu'on commence à les connaître un peu mieux, ils peuvent nous permettre de comprendre un certain nombre de choses assez passionnantes de la structure de notre univers. Je vins dans les villes au temps du désordre, quand la famine y régnait. Je vins parmi les hommes au temps de l'émeute, et je m'insurgeais avec eux. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Mon pain, je le mangeais entre les batailles. Pour dormir, je m'étendais parmi les assassins. L'amour, je m'y adonnais sans plus d'égard. Et devant la nature, j'étais sans indulgence. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. tête au marécage. Le langage me dénonçait au bourreau. Je n'avais que peu de pouvoir, mais celui des maîtres était sans moi plus assuré. Du moins, je l'espérais. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Les forces étaient limitées, le but restait dans le lointain, nettement visible, bien que pour moi presque hors d'atteinte. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. Vous qui émergerez du flot où nous avons sombré, pensez quand vous parlez de nos faiblesses, au sombre temps aussi dont vous êtes saufs. Nous allions changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers les guerres de classe, désespérées, là où il n'y avait qu'injustice et peu de révolte. La haine contre la bassesse, elle aussi tord les traits. La colère contre l'injustice rend rauque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. Mais vous, quand le temps sera... Menaçant ceux qui viendront après nous, d'après un texte de Bertolt Brecht, c'est toujours... Pour nous, en soutien à la scène musicale indépendante française, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, il est 16h37. Nous parlons des sursauts radio rapides, les FRB pour Fast Radio Burst. Nous en parlons avec Jérôme Guillet, qui est astrophysicien à l'Institut de Recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Et c'est au CEA, et avec Ismaël Cognard, qui est directeur de recherche CNRS au LPC 2E à l'Université d'Orléans et responsable scientifique du radiotélescope de Nancy. Et nous allons donc maintenant nous intéresser évidemment à l'origine possible de ces FRB. Nous l'avons dit, un magnétar a récemment été identifié comme source de FRB dans notre galaxie, mais ça n'est pas l'unique candidat. Une autre hypothèse a été émise par des membres du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'observatoire de Meudon, et c'est là que vous vous êtes rendu pour le reportage du jour. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, Philippe Zarca, directeur de recherche au CNRS, et Guillaume Voisin, postdoctorant au LESIA, travaillent depuis quelques années à une nouvelle théorie pour expliquer quelle est la source de ces FRB. Selon leur modèle qu'ils ont publié cette année, ce ne serait pas les pulsars en eux-mêmes qui seraient la cause de ces flashs radio, mais leurs compagnons, c'est-à-dire des corps qui orbitent autour, comme des planètes ou bien des astéroïdes. Ces corps n'orbitent pas dans le vide, mais dans un vent électrisé très puissant provoqué par le pulsar, un vent qui va quasiment à la vitesse de la lumière. Alors le sillage provoqué par le passage de ces corps induirait la création d'impulsions radio, très puissant, directionnel et concentré dans un faisceau qui potentiellement parvient jusqu'à nous de manière sporadique. L'idée, c'était que un compagnon autour d'un pulsar va avoir une interaction avec le plasma et le champ magnétique qui s'évadent du pulsar quasiment à la vitesse de la lumière. Cette interaction va donner un sillage au compagnon, et dans ce sillage, on a montré qu'il y avait des bonnes raisons de penser qu'il y avait des phénomènes qui pouvaient produire des émissions radio. Et donc, c'était une idée qui était extrapolée, en fait, à partir de choses sur lesquelles on avait travaillé avec Fabrice Mottez sur les planètes du système solaire, et plus exactement sur le système Io et Jupiter. Io, en tournant autour de Jupiter, interagit avec son champ magnétique, ça donne lieu à des électrons accélérés, et ça produit des émissions radio. On parle de compagnons, ça peut être à la fois des planètes, des astéroïdes, voilà. Des comètes qui orbitent autour du pulsar, voilà. Ou du magnétar. Voilà, alors dans l'article d'origine, le corps central était un pulsar et le compagnon était une planète. On pensait à une planète. À l'époque, on connaissait un pulsar qui avait des planètes. Donc c'était assez naturel de penser que ça pouvait être une planète. Mais le truc, c'est que les planètes et les astéroïdes, c'est beaucoup trop petit pour qu'on puisse les détecter directement. Peut-être qu'il faudrait aussi rappeler sur la faiblesse des autres hypothèses. Le fait qu'on reçoive des flashs d'ondes radio, si l'origine était uniquement une étoile à neutrons, un pulsar, on devrait capter aussi d'autres signaux gamma en lumière visible. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la plupart des autres modèles alors, ont tendance à avoir des conséquences sur tout le spectre électromagnétique. Et c'est vrai que notre modèle, il prévoit uniquement de la radio parce que, en fait, l'idée à la base qui avait derrière, c'est ce qu'on appelle des masers radio. C'est très commun dans le système solaire. Et c'est très intéressant parce que dans le cas des FRB, vu la distance à laquelle on les observe, ça veut dire que la source doit être, pour le dire très simplement, la source doit être soit très très énergétique, soit très très efficace. Alors qu'elle est très très éloignée en même temps. Oui, en fait, la caractéristique des fast radio bursts, leur dispersion, donc leur étalement en fréquence au cours du temps, est extrême et montre qu'ils viennent de très très loin. Très loin, ça veut dire un milliard d'années-lumière, quoi, typiquement. Et donc, on a pensé qu'en fait, cette source radio pouvait en fait se déplacer, être emportée par le vent du pulsar dans le sillage du compagnon. À la vitesse de la lumière ? À la vitesse quasiment de la lumière. Et du fait de ce mouvement, les ondes radio sont extrêmement focalisées dans la direction du vent. Et donc, ça fait un pinceau très fin. Et du coup, alors cette focalisation, en fait, dans les modèles initiaux qu'on a fait avec Fabrice et dans l'article de 2020, c'est une focalisation de l'ordre de 10 milliards par rapport à une émission isotrope. Et donc, on a besoin de 10 milliards de fois moins d'énergie, puisque toute l'énergie est concentrée dans un petit cône de 1 10 milliardième de la sphère. Ce phénomène aussi serait périodique ? Alors voilà. Alors en fait, en 2014, lors de l'article initial, comme on pensait à une planète, on avait fait une prédiction, c'est que provenant d'une source donnée, de chaque source observée, les sursauts devraient se répéter avec la période orbitale de la planète. Donc ça, c'était une prédiction. Et depuis, il y a eu énormément d'observations, donc d'Arecibo, mais surtout de Chime, et puis d'autres télescopes, qui ont détecté de nombreux répéteurs. Et il se trouve que donc ça veut dire des sursauts qui se répètent. Et donc, il y a des répéteurs, mais ils ne sont pas périodiques pour la plupart. Et donc, on a réfléchi avec Fabrice et puis avec Guillaume, bien sûr, en disant, OK, l'idée de base, elle est toujours très séduisante. Comment faire pour qu'on ait des sursauts qui se répètent et qui ne soient pas périodiques? Et donc, la deuxième étape, celle de l'article de 2020, c'était de penser à un nuage d'astéroïdes, en fait, qui se baladait autour du pulsar. Et donc, dans le sillage, vont se produire des émissions radio sous forme d'un pinceau très fin orienté vers l'extérieur. Et tout ça va tourner, en fait, avec le nuage d'astéroïdes. Et donc, quand le nuage passe entre le pulsar et nous, eh bien, il y a une petite probabilité de rencontrer un faisceau. Et ça va donner lieu à un FRB. Et comme ça peut se produire à chaque passage ou à certains passages du nuage d'astéroïdes, on va avoir des répéteurs, pas nécessairement périodiques. Et alors, à partir de cette idée de base, on s'est dit, bon, maintenant, est-ce que ça tient la route? Et donc, Fabrice, en particulier, avec Guillaume, on avait écrit les équations qui représentaient quelle est la puissance produite en radio, combien de temps ça dure, est-ce que l'astéroïde fond ou est sublimé par la proximité du pulsar. Et donc, il y avait plein de paramètres, en fait, pour dire c'est viable, ça l'est pas. Et ben en fait, on a fait parcourir à chaque paramètre une certaine gamme assez vaste de valeurs plausibles. On a combiné tous les paramètres ensemble. Donc, si pour chaque paramètre, on a 10 valeurs possibles, et si on a 10 paramètres, eh bien, on va avoir 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards de combinaisons. Mais l'ordinateur permet d'explorer ces 10 milliards de combinaisons en quelques secondes. Et donc, on a exploré ces combinaisons et on a trouvé, effectivement, des situations parfaitement viables où l'astéroïde ne fond pas, n'est pas sublimé et donne lieu à une puissance suffisante et avec la bonne durée. Les sillages d'astéroïdes, c'est des choses qui sont connues dans le système solaire et qu'on a pu étudier avec un détail exquis grâce à toutes les sondes. Et ça, je pense que c'est quand même une force. Ça veut dire que la physique, quelque part, est bien connue. On sait que ces choses-là sont possibles. On les a mesurées, expérimentées. C'est un luxe pour l'astrophysique de pouvoir faire des expériences in situ. Voilà l'une des hypothèses de l'émission de ces fast radio bursts, ces sursauts radio rapides exposés dans le reportage de Céline Lozen. Peut-être une réaction, Jérôme Guillet, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, c'est effectivement un des modèles qui a été proposé et que je trouve très intéressant et assez original par rapport à d'autres modèles. Original dans le sens où il a besoin peut-être de moins d'énergie que d'autres modèles, justement parce que l'énergie est très focalisée, alors que des modèles comme le modèle du magnétar vont être plutôt moins focalisées et vont avoir une beaucoup plus grande source d'énergie, en fait. C'est pour ça que on fait appel à un magnétar qu'un champ magnétique extrême et qui, du coup, donne une source d'énergie qui est très importante. Ismaël Cognard, aussi, votre réaction au reportage? Oui, c'est intéressant. Alors, ça permettrait effectivement d'expliquer les périodicités que l'on commence à voir sur certains répéteurs, oui. On va revenir avec vous, Jérôme Guillet, sur ce magnétar. Peut-être pouvez-vous nous repréciser exactement qu'est-ce que c'est qu'un magnétar, comment ça se forme et pourquoi est-ce que ça serait potentiellement une source. Enfin, pourquoi ça serait. On peut enlever le conditionnel maintenant puisqu'on est quasiment sûr, grâce à cette observation multilongueur d'onde, qu'il s'agit bien d'un magnétar qu'on a observé produire cette source de FRB dans notre Voie lactée. Oui, tout à fait, effectivement, on peut être sûr au moins pour un cas maintenant. Et donc un magnétar, c'est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est un objet extrêmement compact qui fait une dizaine de kilomètres de rayon. Donc imaginez quelque chose qui fait à peu près la taille de Paris, mais qui contient la masse entre 1,5 et 2 fois la masse du Soleil. Ça veut dire que la densité est absolument extrême. Par exemple, dans une cuillerée à café d'étoiles à neutrons, il y a 2 milliards de tonnes. Donc ce qui est cette fois le poids de toute l'humanité. Ça fait lourd la cuillère. Juste dans une cuillère à café. Voilà. Ok. Et donc ces objets sont parmi les objets les plus compacts que l'on connaisse, à l'exception des trous noirs en fait, qui sont les seuls objets plus compacts que les étoiles à neutrons. Mmh. Et ils se forment par effondrement du cœur d'une étoile massive. Donc une étoile massive, au cours de sa vie, va avoir un certain nombre de réactions nucléaires qui forment des éléments de plus en plus lourds en son cœur. Et à partir d'un moment, le cœur devient instable et va s'effondrer. C'est cet effondrement qui forme cet objet extrêmement compact. Et ce faisant, ça libère énormément d'énergie qui souffle l'enveloppe de l'étoile. Et ça, et du coup, la naissance d'une étoile à neutrons est associée à une supernova. Mmh. Donc ça, c'est pour ce qui est une étoile à neutrons. Mmh. Et ensuite, un magnétar, c'est un type spécial d'étoile à neutrons qui se distingue par son champ magnétique qui est beaucoup plus intense que celui d'une étoile à neutrons normale. Mmh. Et pour quelle raison est-ce que ce champ magnétique est plus intense? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est, c'est une question qui est encore ouverte, qui est exactement le sujet de mon sujet de recherche principal. Mm-hmm. Et en fait, il y a deux hypothèses principales. Soit ça vient d'une étoile qui est plus magnétisée que d'autres. Donc c'est l'hypothèse où en fait c'est le champ magnétique de l'étoile qui va déterminer le champ magnétique de l'étoile à neutrons qui se forme. Et ces étoiles qui seraient plus magnétisées, c'est lié quoi à leur composition, à leur taille, à leur structure? Alors, ces étoiles qui sont très magnétisées, en fait, elles sont observées, donc on sait qu'elles existent. Mais leur origine est, elle aussi, encore un peu mystérieuse et débattue. Une des hypothèses, c'est que ce sont des étoiles qui sont plus magnétisées parce que deux étoiles ont fusionné, en fait, et c'est la fusion de ces deux étoiles qui a amplifié le champ magnétique et qui a fait que le champ magnétique est plus intense que la moyenne des étoiles. Mmh. Et donc ça, c'est l'une des hypothèses. Quelle est l'autre hypothèse? Voilà, l'autre hypothèse, c'est que ce n'est pas une étoile spécialement magnétisée qui est à l'origine de qui fait un champ magnétique très intense, mais une étoile qui tourne très vite. Et la raison est que si l'étoile tourne très vite, alors au moment de la formation de l'étoile à neutrons, on va pouvoir avoir des processus de dynamo qui vont être beaucoup plus efficaces grâce à la rotation. Donc un processus de dynamo, c'est un processus qui va amplifier le champ magnétique, et c'est ce qui est par exemple à l'origine du champ magnétique de la Terre ou du Soleil. C'est quand un fluide magnétisé est en mouvement, et on peut avoir un cycle d'amplification entre ce mouvement et les courants électriques qui vont amplifier le champ magnétique. Toujours est-il qu'en tout cas, ces magnétars, donc, qui sont des étoiles à neutrons avec un très fort champ magnétique, comment se fait-il que ce soit, en l'occurrence, ou comment est-ce que l'on comprend aujourd'hui, Jérôme Guillet, que ce magnétar qu'on a repéré émette ces sursauts radio rapides? En fait, d'où ils proviennent ces sursauts radio rapides, et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent finalement qu'une fois et pas de manière permanente ou de manière répétée? Alors, il y a beaucoup de modèles, même une fois qu'on a dit que ça vient d'un magnétar, il y a encore beaucoup de modèles théoriques différents. Cela dit, un des points communs de ces modèles, c'est que l'origine de l'émission part d'un événement qu'on appelle un événement de reconnexion ou qui est en fait similaire à ce qu'il se passe dans le Soleil. Quand on a des éruptions solaires, mm-hmm. ça vient d'une reconfiguration du champ magnétique du Soleil. Et cette reconfiguration du champ magnétique va libérer de l'énergie qui apparemment était sous forme magnétique et qui va pouvoir être transmise à des électrons ou sous forme d'un vent. Et c'est donc cette énergie, une partie de cette énergie, qui va pouvoir être transformée en ondes radio. Mmh. Et alors, exactement le processus par lequel cette énergie va être transformée en ondes radio, c'est vraiment encore un point d'interrogation. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés. Il y a deux grandes classes de modèles, on va dire. Des modèles qui sont proches de l'étoile à neutrons ou des modèles où ça se passe plus loin de l'étoile à neutrons. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est généré par un événement un peu violent dans la structure du champ magnétique. Mmh. Et ces événements, ils se transforment uniquement, par exemple, ces reconnexions du champ magnétique, ils se transforment uniquement en ondes radio, ou est-ce que du coup, on peut imaginer que cet événement-là, il se passe à différentes longueurs d'onde, y compris, pourquoi pas, dans le visible ? Alors, on sait en fait que ça se passe à différentes longueurs d'onde maintenant, puisque l'événement qui a été détecté d'un magnétar galactique, on a été observé en rayon X également. Et en gamma. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc en fait, ces émissions de rayons X et de rayons gamma des magnétars, c'est en fait la façon dont on a découvert les magnétars. Donc ça fait 40 ans qu'on observe ces flambées de rayons X et de rayons gamma. On a mis une vingtaine d'années à comprendre que c'était des magnétars qui étaient derrière ça. Il y a eu toute une saga aussi qui a permis de vraiment comprendre et d'identifier ces objets. Et donc leur rayonnement X et gamma est quelque part beaucoup mieux connu que leur rayonnement radio. C'est la première fois qu'on voit un rayonnement radio qui est vraiment qui ressemble à un sursaut radio rapide. Et d'ailleurs, c'est bon, quelque part quelque chose. On peut se demander pourquoi c'est la première fois qu'on l'observe, alors que on avait déjà en fait observé des magnétars en radio au moment où ils émettaient des rayons X et des rayons gamma, parce que c'était quelque chose où on se disait ça peut être le moment où ils émettent ces fameux sursauts radio rapides. Et il se trouve que dans un certain nombre de cas, on n'a observé aucun sursaut radio rapide, ce qui tend à suggérer que ce n'est pas systématique. Alors il peut y avoir plusieurs explications à ça, mais c'est aussi une des choses qu'on a apprises, qu'ils peuvent émettre ces sources radio rapides, mais peut-être pas de façon systématique. Pas systématiquement. Et ce qui signifierait également, Jérôme Guillet, que si les magnétars sont un candidat émetteur de FRB, de sursauts radio rapides, ce ne sont peut-être pas les seuls, et certainement même, pourrait-on dire, pas les seuls. Alors, certainement, je ne sais pas, oui. C'était peut-être aller un peu vite en besogne, mais en tout cas, vraisemblablement. Effectivement, en tout cas, c'est une des sources et il pourrait y en avoir d'autres. Pour l'instant, je pense qu'on est dans un cas où c'est possible que les magnétales expliquent tous les sursauts radio rapides, mais ce n'est pas sûr du tout. Et c'est peut-être d'autant plus excitant de se poser la question s'il y a d'autres sources de sursauts radio rapides, où il pourrait même y avoir plusieurs classes de sursauts radio rapides qui viendraient de différents types de magnétars. On pourrait imaginer des magnétars beaucoup plus actifs que d'autres, soit parce qu'ils sont plus jeunes, soit parce qu'ils ont un champ magnétique encore plus intense que les magnétars que l'on connaît dans la galaxie, des sortes de super magnétars. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que des super magnétars de cette sorte sont suggérés par certains modèles théoriques, notamment associés à des explosions extrêmes, des explosions, donc des sursauts gamma, ou des hypernovas, qui sont des supernovas encore plus extrêmes que les autres. Mmh. Et ces modèles-là, il y a un certain nombre de modèles qui supposent que c'est la naissance d'un magnétar en rotation très rapide, et dont le champ magnétique pourrait être encore plus intense que la moyenne des magnétars galactiques. Peut-être une question également, Ismaël Cognard, parce que les différentes hypothèses, on a entendu celle des pulsars, celle des magnétars, on pourrait éventuellement en évoquer une ou deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous reparliez un peu de cette question de la dispersion, parce que c'est sur ce radio rapide, avant d'en identifier totalement la provenance, on peut les utiliser pour quelque chose d'assez passionnant. C'est, des calculs, en quelque sorte, de densité de l'univers. Il y a déjà quelques résultats assez intéressants à ce propos. C'est ça. Alors, je connais pas exactement les résultats qui ont obtenus, mais effectivement, la dispersion va permettre d'avoir une idée de la distance. Mais souvent, quand le sursaut va être positionné dans telle galaxie, de cette galaxie-là, on va pouvoir faire un spectre et on va obtenir vraiment le décalage spectral. Donc, la vraie distance, enfin, j'allais dire physique, c'est pas tout à fait vrai. Donc, le décalage spectral, en un mot, en quoi ça consiste? Donc, on fait le spectre optique de la galaxie et on regarde les raies, comment elles sont décalées par la vitesse d'éloignement. Et après, comme on connaît la loi de Hubble, d'expansion de l'univers, on peut, avec la vitesse d'éloignement, en déduire une distance, en quelque sorte. Et ayant la distance et ayant la quantité de dispersion que le signal radio a souffert, on va pouvoir être sensible à tout ce qu'on va trouver sur la ligne de visée et quelque chose comme le contenu baryonique et des choses comme ça, et donc commencer à faire de la cosmologie. C'est-à-dire toute la matière que ces ondes radio ont pu croiser, ce qui a un peu transformé leur longueur d'onde en quelque sorte. Ça ne transforme pas la longueur d'onde, ça va les freiner plus ou moins. Et par exemple, on observe sur certains de ces sursauts, on observe ce qu'on appelle de la multipropagation, mais là, quelque part, la dispersion suffit. On voit que tous les photons, en quelque sorte, si on réserve un temps de photons, tous les photons qu'on a reçus n'ont pas suivi strictement la ligne droite, mais il y en a quelques-uns qui ont fait des petits écarts avant de revenir dans le droit chemin. Et ça nous renseigne sur le degré de turbulence de la matière traversée, par exemple. Jérôme Guillet, pour conclure, on a donc un candidat pour les fast radio burst uniques, pour les FRB répétés. Est-ce que il y a des théories ou des hypothèses qui sont plus solides que d'autres? Je dirais que le magnétar est probablement là aussi le modèle, un des modèles les préférés, après plus solide que d'autres. Disons que maintenant qu'on l'a détecté une fois, ça donne confiance qu'il est capable potentiellement de. Il n'y a pas de raison qu'il ne se répète pas dans le cas d'un magnétar. Évidemment, il y a d'autres modèles. Un modèle dont on a parlé tout à l'heure avec des astéroïdes autour d'un pulsar, ça fait aussi se répéter. Donc il y a beaucoup de modèles et donc on a besoin d'autant plus d'observations pour pouvoir y voir plus clair dans tout ça. Et évidemment, il y a des modèles encore plus exotiques comme les évaporations de trous noirs primordiaux. Exactement. Pour la petite histoire, ont été proposés par Aurélien Barraud, qui est bien connu des auditeurs pour ses prises de position sur la crise écologique. Et pas uniquement, et également qui est l'un des parrains de l'émission, figurez-vous, de nos premières saisons, et avec qui on a parlé évaporation de trous noirs ou multivers. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Jérôme Guillet et Ismaël Cognard, de nous avoir parlé de ces sursauts radio rapides. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, François Malordi, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Dominique Guette-Saint-Vulfranc, Céline Dozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous parlerons de réseaux de neurones, des neurones biologiques et des neurones artificiels. Pourra-t-on un jour véritablement reproduire le fonctionnement du cerveau humain avec des réseaux électroniques, informatiques ou pourquoi pas quantiques? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.